Kikomanyanga. Alphonse Kougimana sur la mise en onde. Bienvenue, chers auditrices et auditeurs de la radio Isanganiro, à ce journal. Et donc, voici d'abord le sommaire. Le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique vient de suspendre l'application d'une nouvelle ordonnance qui était devenue polémique en matière de délibération au niveau poste fondamental des écoles techniques. Les enfants des réfugiés congolais vivant au Burundi pourraient être reversés dans le système éducatif burundais. Les autorités concernées s'y penchent depuis l'année dernière. Et le taux des femmes burundaises qui détiennent des certificats et titres fonciers est très faible comparé à celui des hommes, révèle le directeur général de l'organisation Center for Development and Enterprises. Bienvenue à cette édition. Isanganiro. On ouvre ce journal par la page éducation. Le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique a suspendu l'application de la nouvelle ordonnance ministérielle portant fixation des conditions d'avancement de classe, de redoublement et obtention des diplômes à l'enseignement post-fondamental des écoles techniques qui sème de la confusion dans différents corps des professeurs. Alors que l'autorité du ministère projette son application l'année prochaine, Victor Ndabaniwe, président de la coalition des syndicats des enseignants concessionnaires en sigle, avait indiqué ce jeudi dans une déclaration que cette ordonnance conduisait à des impacts très négatifs sur les résultats des apprenants. Les détails avec Apollinaire Mutsagara. Bon nombre d'écoles techniques à enseignement post-fondamental ont délibéré ce jeudi les classes terminales. Beaucoup d'apprenants ont lamentablement échoué et ont par conséquent raté les diplômes suite à l'application de la nouvelle ordonnance ministérielle irrelative, principalement à cause de la note 60% fixée comme note de réussite dans tous les cours techniques. Le président de la coalition des syndicats des enseignants concessionnaires n'a pas tardé à réagir. Lors d'une conférence de presse de ce jeudi en Ngozi, Victor Ndabaniwe a évoqué beaucoup de confusions apparaissant dans différents articles qui font lamentablement échouer les apprenants. La note de référence pour qualifier l'échec dans les cours techniques est trop élevée, 60% dans tous les cours techniques. Si tu n'as pas 60%, tu as un échec. Il est donc difficile de réussir tous les cours techniques qui sont actuellement évalués à plus de 15. Donc vous comprendrez bien que la note 60, prise comme note de référence pour qualifier l'échec, reste trop élevée et va occasionner beaucoup de redoublements et beaucoup de cas d'apprenants qui sont dans les classes terminales qui vont rater l'occasion d'avoir le diplôme. Et demande à cet effet au ministre de tutelle le report de cette ordonnance pour l'appliquer l'année prochaine. On demandait donc face à cette situation au ministre et à l'Éducation nationale dans ses attributions d'apporter des clarifications. Surtout, modifier la note de référence pour qualifier l'échec. Dans la correspondance de ce vendredi matin, le ministre ayant l'éducation dans ses attributions demande au directeur d'école l'utilisation de l'ordonnance de l'an passé pour l'actuelle délibération afin d'éviter des équivoques. François Abdjalimahana éclaircit que la nouvelle ordonnance sera en vigueur dès l'année prochaine après des séances d'explication de cette dernière aux concernés pour une compréhension commune. Donc aussi, Apone Muzagara, Radio. Apollinaire Muzagara, le Haut Commissariat pour les réfugiés HCR au Burundi, en collaboration avec les autorités burundaises et d'autres organisations onusiennes, sont en négociation pour que l'éducation des enfants des réfugiés congolais vivant au Burundi soit incorporée dans le système éducatif burundais. Une annonce faite ce jeudi par Brigitte Mukangaeno, représentante de ce commissariat lors de la célébration de la Journée mondiale du réfugié du 20 juin de chaque année. C'est un problème, dit-elle, en train d'être analysé dès l'année passée. Suivez-la. Par rapport à l'éducation, jusqu'à présent, les réfugiés congolais que nous avons au Burundi particulièrement ceux qui sont dans les camps, étaient en train de suivre un système éducatif congolais. Et donc, par exemple, pour les examens, c'était des autorités congolaises qui venaient pour faire passer les examens. Mais depuis l'année passée, nous avons commencé le processus avec le gouvernement du Burundi d'inclusion des enfants réfugiés dans le système national burundais. Et dans ce cadre, nous sommes en train de travailler avec le HCR, l'UNICEF, l'UNESCO et le ministère de l'Éducation pour définir un nouveau programme qui va commencer bien sûr par une transition pour les enfants, une année de transition avant de passer directement à l'éducation dans le système burundais. Donc les défis qui ont été soulevés sont en train d'être adressés à travers cette inclusion-là. Notamment, par exemple, la question de réduction de sections au niveau des écoles qui sont dans le camp. Il n'y a que 2 sections. Mais lorsqu'ils vont adhérer désormais au système éducatif burundais, ils auront accès à toutes les sections qui existent au Burundi. Et la même chose au niveau de l'université, il n'y aura pas de barrière en termes d'équivalence des diplômes, etc. Ils pourront directement intégrer le système burundais sans problème. Donc c'est dans cette optique-là que nous sommes en train de travailler actuellement. La représentante du HCR fait également savoir que la question de réinstallation des réfugiés dépend des critères établis par le pays d'accueil. Suivez-la encore une fois. Par rapport à la réinstallation des réfugiés dans un pays tiers, le HCR travaille avec différents gouvernements pour alléger un peu le poids des réfugiés dans un premier pays d'asile et de les transférer vers d'autres pays. Et dans ce cadre que nous appelons la réinstallation, nous avons essentiellement les États-Unis, le Canada et l'Australie qui ont des quotas annuels pour la réinstallation. Mais également pour l'Europe, il n'y a pas de quotas en tant que tel, mais c'est plutôt des cas de réunification familiale qui sont facilités. Et donc, dans ce cadre-là, les critères sont définis par les pays de réinstallation. Ce n'est pas par le HCR. Et donc, ce que nous faisons, c'est bien sûr un plaidoyer pour avoir plus de nombre de réinstallations par année. Mais en termes de critères, les pays restent souverains et chaque pays définit ses critères. Et nous, nous attelons à identifier parmi les réfugiés ceux qui remplissent ces critères-là pour faciliter leur réinstallation dans les pays que j'ai mentionnés. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page de société à présent, les habitants vivant près du marché d'Ogatunguru en commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura viennent de passer 2 semaines sans électricité suite à un transformateur qui est tombé en panne. Ceux qui exercent des métiers nécessitant du courant électrique se plaignent d'enregistrer manque à gagner énorme et demande à la Régie des Eaux de réagir au plus vite. Un reportage de Jean-Marie Vianney Ngendakoumana. Ces habitants de la colline Gatunguru se trouvent dans la zone Rubirizi de la commune Mutimbuzi en province Bujumbura indiquent que cette coupure du courant électrique qui s'observe à cette localité fait suite au transformateur tombé en panne, ce qui paralyse toutes les activités qui nécessitent le courant. Nous avons un problème de ne pas avoir du courant électrique. Quelques appareils comme les frigos ne fonctionnent pas. Le lait, la viande, les poissons, tous ces aliments s'abîment facilement si nous sont pas conservés dans les frigos. C'est la même chose pour les soudeurs. C'est la perte. Nous venons de passer 2 semaines sans courant électrique. Les frigos ne sont plus fonctionnels. L'autorité habilitée devrait rétablir les choses en l'état. Nous enregistrons déjà des pertes énormes. Il demande à la Régie de la production et de distribution d'eau et d'électricité, Régie des eaux, de trouver solution à ce problème. Nous demandons à la Régie des eaux de venir à notre secours afin de faire convenablement notre travail, car sans l'électricité, la vie de certaines personnes est paralysée. Ces habitants de Gatunguru précisent que les travailleurs de la Régie des eaux viennent plus souvent réparer ce transformateur, mais après leur départ, la coupure du courant continue. Merci à Vianney Ngendakoumana pour ce reportage. Le directeur général de la Régie des eaux, Jean-Albert Manigomba, promet de remplacer ce transformateur sans plus de précision. L'implication du citoyen dans la planification du budget de l'État et la transparence sont des éléments importants pour sa mise en pour sa mise en exécution. Propos de Faustin Dikoumana, directeur national de la Parcem, ce vendredi, lors d'un atelier d'échange sur le processus et les priorités budgétaires pour l'exercice 2024-2025. Faustin Dikoumana souhaite que les secteurs de l'éducation, de l'énergie et de l'agriculture soient priorisés dans le processus budgétaire. On l'écoute dans ses propos recueillis par Jean-Marie Mayonk. Il y a un constat d'une augmentation substantielle des recettes fiscales collectées et des dépenses, de 1 à 10 fois mais. Mais on se demande pourquoi toujours augmentation des recettes, augmentation des dépenses, mais le quotidien des Burundais ne change pas. Même parfois, il recule. La paupérisation s'installe de plus belle, les conditions de vie se durcissent. Actuellement, il y a une pénurie de plusieurs produits de première nécessité. Le carburant tend à tout arrêter dans le pays. La crise des devises, le sucre, les poissons blarousdis, les entreprises ont des difficultés actuellement. Les entreprises publiques, l'inflation. Vous avez vu que l'année passée, c'était à 18%. Maintenant, moyenne, c'était à 27%. Enfin, l'inflation continue. Alors, on se demande, alors pourquoi tant de projets de loi d'exercice budgétaire alors qu'on ne voit pas le changement? Nous avons voulu à revoir et inviter le ministre des Finances pour nous aider à discuter sur ces priorités qui doivent être les priorités d'investissement. Et deuxième volet qui a fait que nous organisons cet atelier, c'est justement permettre à ce que la transparence budgétaire se renforce dans notre pays. Parce qu'il y a des institutions internationales, des centres au niveau international qui classent les pays au niveau de la transparence budgétaire. Les critères sont maintes fois la publication des documents budgétaires, mais il y a aussi un critère très important, l'implication du public, des citoyens dans le processus budgétaire. À temps pour collecter les doléances, pour collecter les préoccupations citoyennes et les mettre en avant au niveau de la fixation des choix et des priorités budgétaires. C'était Faustin Dikoumana, directeur national de la Parcem. Dernier dossier de ce journal, le taux de femmes burundaises qui détiennent des certificats et titres fonciers est compté à une échelle de 8% seulement au moment où le taux des hommes ayant le même document est estimé à 72%. Propos d'aimable Manila Kiza, directeur général de l'organisation Center for Development and Enterprises. Il l'a dit ce jeudi dans un atelier organisé en collaboration avec le Centre de développement du Burundi à Kayanza pour analyser les défis à l'autonomisation économique de la femme, notamment le manque d'accès aux certificats fonciers. Les participants à l'atelier ont indiqué que les barrières socioculturelles y sont pour beaucoup. Patrick Senyumva, correspondance. Au cours de cet atelier qui a été organisé par le Center for Development and Enterprises en collaboration avec le Centre de développement du Burundi à l'endroit de toutes les parties prenantes en matière de l'autonomisation économique de la femme, Aimable Manila Kiza, directeur général du Centre for Development and Enterprises, a indiqué que la population burundaise est à majorité féminine, mais que l'autonomisation économique de la femme se heurte à pas mal de difficultés. Là, il a donné l'exemple que la femme burundaise n'est pas beaucoup sensibilisée sur l'importance de la détention d'un certificat foncier ou d'un titre foncier. C'est le lit. Ces documents peuvent permettre à la femme de contracter un crédit à la banque et se lancer dans une activité génératrice de revenus pour se développer. Pourtant, Aimable Manila Kiza a fait savoir que les titres faits en 2022 ont montré que sur 89 240 certificats fonciers livrés par 40 services fonciers communaux, les femmes qui avaient gagné ces documents étaient estimées à moins de 7 000, soit un taux de 8% seulement, comparativement aux hommes qui se sont dotés de ces documents qui étaient comptés à un taux de 72%. Président, parmi les participants à l'atelier ont indiqué que des barrières socioculturelles entravent l'autonomisation économique de beaucoup de femmes et soucieuses de se développer. Professeur Siméo Barumwete, dans son exposé lié, a montré que si la femme est reléguée à l'arrière-plan, le développement en est affecté, d'où il a appelé aux femmes au changement de mentalité. Et dans ce discours, Justine Komeza Doussabe, conseillère du gouverneur à Kayanza en charge des finances, a fait savoir que dans le cadre légal, les femmes jouissent des mêmes droits que les hommes, dont selon elle, des uns et des autres parmi les hommes ne devraient pas se baser sur des prétextes des normes sociales qui plaçaient la femme de jadis à l'arrière-plan par rapport à l'homme, ce qui a beaucoup entravé ces dernières années l'autonomisation économique de la femme. Depuis Kayanza, Patrick Nsengi va pour la radio Isanganilo. Voilà, c'est par ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Alphonse Kougimana pour sa parfaite collaboration technique. La présentation, vous étiez avec Evariste Nzikubanyanga. Bonne suite des programmes sur Isanganilo.